une souris grise dans la bête assise. Je l'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs. Une souris brune, seule au clair de lune. Je l'attrape par l'oreille, avec elle c'est pas pareil. Une souris blanche, clouée sur une planche. Je l'attrape par une patte, je la mets dans une tomate. Une souris rouge, qui a le nez qui bouge. Je l'attrape par hasard, je la mets dans le placard. Une souris raide, vieille et très très laide. Je la laisse où elle est. Signe d'overdose. Je l'attrape